Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une importation massive, une substitution massive des plats enfin, qui vont, donc les plats algériens vont remplacer les plats français? Est-ce que tu penses que c'est en cours ça, ou ça va arriver, ou c'est déjà fait, tu... C'est-à-dire, tu peux répéter ta question, excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, est-ce que tu penses que les plats algériens dégueulasses ils vont remplacer la Ils sont déjà gastronomie là, française? ils sont déjà là, Tu vois, ils sont déjà tu penses là, que c'est déjà ils sont déjà là. Quand tu vas dans un quartier forte communauté algérienne, tu vas dans une boulangerie, c'est dégueulasse. C'est de la viennoiserie à l'algérienne. C'est-à-dire, ça pue, c'est jaunâtre, tu as du caca de souris dedans, d'accord? Khala del far. Tu vas dans un resto, aujourd'hui il y a beaucoup de restos soi-disant français qui sont gérés par des Algériens. Tu demandes une bouillabaisse, t'as une espèce de chorba dégueulasse de Constantine, un abat, c'est du bouillon, de l'eau chaude. C'est dégueulasse, quoi. C'est la rechta, tous les bars PMU de France, vous avez des couscous royal avec des vieilles merguez dégueulasses. D'ailleurs, ils ont réussi, ces enfoirés, à faire croire que la merguez était du Maghreb. Non, la merguez, c'est pas chez nous. D'accord? Au Maroc, on n'en connaît pas la merguez, on ne connaît pas cette dégueulasserie. D'accord? On Prochain. connaît M'Sarn, Là, là, là, là au là, Maroc. là, là, la merguez, machidienne. Non, on a des plats extrêmement raffinés, on ne joue pas dans la même catégorie, la merguez qui la laisse pour eux. Si vous allez dans un bar PMU, vous avez des couscous merguez, en fait, tous ces plats dégueux, il y a une baisse de la gastronomie.